On est ce qu'on est sur cette terre. Il y a deux choses l'une. Soit on est quelqu'un, soit on est personne. Bougez pas, je reviens. Panama, Terre, Ronald, Pavillon. J'ai pas le pied droit à Vinicius. Grosse cagoule dans le pavillon. Et comme t'es nouveau salope, j'ai mis plus. Je l'envoie en l'air comme un transavia. Je lui vends la mort, mais je lui prends sa vie. Réseau assidu sur la chaise pliable. J'ai un prêt l'aide, j'ai qu'on pense à Dieu. Il a repéré un plafond ce week-end. Le frangin a besoin d'un binôme. Chez nous, c'est inné. Même en vacances dans le Vareux, on vendait du shit dans mon binôme. On voit rouge comme un Munich. Faut pas flipper pour la mumu. De beaucoup d'argent, c'est muni, je vais croquer la vie, vis à minus. Ramène une grégou, c'est soi. On vole et on connaît les lois. Au charbon, je connais bien l'angoisse. Avec mes billets, je fais des fois. J'suis pas la bébé, je fais des mille. J'suis là depuis les bébés Milo. Et dans la feuille, j'ai mille air. Vodka, toi, tu crois que j'ai Milo. On est monté en grade comme dans Black Ops. Tu sais que mon survêt, il est black. Direct, on fout la merde comme un blocus. J'vais découper ça comme une plaquette. Yankee perdu, v'là un plug. T'es pas payé s'il y a des trous comme un baguette. J'ai rangé mes lovies en pagaille. Mouillé comme au kayak, mal vu en pagaille. You can see me comme Sina. Tu sais que je veux peser comme si lourd. Et si le guetteur c'est le signal, on veut générer comme si lourd. Je viens juste de casser la cima. Elle met la bouche dans le siphon. C'est la rue en rime en image. Faut pas mettre sa vie dans le pilon. Un bocal à 20%. Un bocal. Oui. Allez, fous le camp, Franck. Oh, qu'est-ce que tu me sors là? Qu'est-ce que tu vas faire, Franck? Hein? Dis-moi. Tu vas me plomber devant tout le monde? Hein? Vas-y. Ça, Jesse, c'était. Oui, oui, oui. Plus de lobé, plus de ring, ring, ring. Pour mon papier, j'ai pas sommeil et j'arrive en oui, oui, oui. Ah, oui, oui, oui. Que ça ring, ring, ring. C'est la Jesse, c'était. Oui, oui, plus de lobby, plus de ring, ring, ring. Pour mon papier, j'ai pas sommeil et j'arrive en.